partie. J'imagine toujours pas que tu sois parti loin de moi. Là-haut, j'ai peur pour toi Cathy, donc je retiens pas mes mots. J'ai besoin de te parler, comme dans le passé. Fais-moi signe, tu m'entends, pour pouvoir m'écouter. Depuis que t'es plus là, c'est plus la même odeur. Chez nous c'est trop l'horreur, tu me réponds pas. Mais je sais que tu m'entends, et tu seras toujours là. Bien trop tôt, t'en as laissé à terre leur cœur débordé de larmes et de poussière. Tu leur manques déjà, tout le temps ce sera l'enfer. Parce que pour eux, t'étais vraiment une être chère. Être chère. Bala bala bala bala. T'avais pas le droit de partir, mais je pense que t'as fait ça pour pas les faire souffrir. Mais sans ta présence, ils n'ont plus le sourire. Et moi, Cathy.